Bonjour, bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Étienne de Passillé et Marie-Ève Picard a congé aujourd'hui. Chaque semaine, on parle de nouvelles super temporelles, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une émission spéciale complètement chiptune, donc seulement de la musique inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. 60 minutes de mes chansons préférées à travers l'hiver 2014 et ça commence tout de suite. We'll be right back. Vous écoutez une édition spéciale Chiptunes Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et on continue tout de suite avec trois autres pièces.

vous écoutez une édition spéciale Chiptunes du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et on continue tout de suite avec trois autres pièces. We'll be right back. Vous écoutez le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, assez fou. Vous êtes toujours au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, c'est un spécial 100% chiptune, donc que de la musique inspirée de jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo. Un autre excellent bloc de 3 pièces commence maintenant.